À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, se sont déroulées conférences, expositions de livres et de photos et séances de films en Tanzanie et au Nigeria. Dans la salle d'exposition de livres et de photos, il y avait les photos sur les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que les livres et photos présentant l'armée et le peuple coréen qui créaient des miracles dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction éminente du maréchal Kim Jong-un. À la séance de film, on a vu un documentaire coréen dénonçant la nature agressive des États-Unis. Aux cérémonies, ont participé les personnalités de divers milieux et habitants des pays hôtes. Par ailleurs, à l'occasion du 45e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 4 juillet, a eu lieu dans la succursale de Laz Shahi de l'Institut bangladais des études jetées, une conférence sur les exploits des grands leaders accomplis pour la réunification de la Corée.